17-25, activation orale, ce qui se dit, ce qui se fait, verbe réfléchi à sens passif. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. On trouve encore des bergères? Et vous dites? Oui, ça se trouve. 2. On dit ça? Oui, ça se dit. 3. On ne dit pas ça? Non, ça ne se dit pas. 4. On fait ça? Oui, ça se fait. 5. On écrit ça avec un Y? Oui, ça s'écrit avec un Y. 6. On écrit Taylor avec un Y? Oui, Taylor s'écrit avec un Y. 7. On écrit tailleur avec deux L? Oui, tailleur s'écrit avec deux L. 8. On voit ça? Oui, ça se voit.